Et j'ai dit oui, mais il m'a promis. Ah, il m'a dit, mais t'es mignonne. Mais vous l'avez connu comment, cette... Bah, Guillaume, ça a été, enfin, c'est toujours des rencontres miraculeuses. Il y a eu Guillaume, j'ai rencontré aussi Denis Lavant très vite. Et puis Guy, ça a été, voilà, pour moi, c'est les trois. Comme ça aussi, ouais. Rencontres. Fulgurantes, évidentes et fortes, parce que profondes, pas seulement une entente. Pas seulement une entente, et c'est des rencontres extrêmement profondes, quoi. Ça va vraiment très loin dans la simplicité, dans l'évidence. Donc c'est des rencontres. Guillaume, ça a été très vite. Je me suis réveillée un matin, je me suis dit comment je vais faire pour rencontrer Guillaume Depardieu. Mais je l'avais vu à la télé 2-3 ans avant et je m'étais dit un jour je le rencontrerai. Des fois j'ai des... Mm-hmm. Ah oui, parce qu'il y avait une telle sensibilité. Un tel, je sais pas, sens profond de la vie, et puis complètement marginal, et puis dans une poésie très révoltée, très, très écorchée, et en même temps beaucoup d'humour. Guillaume, c'est quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup d'humour, il était très drôle. On riait beaucoup, très, très drôle, mais portant comme ça une vérité, quoi. C'était quelqu'un très lumineux, Guillaume, c'est ça qu'il faut. Pourtant, il était parfois très... très abîmé, mais il avait cette force, il était très lumineux, c'était très étonnant de le voir. C'est quelqu'un qui avait toujours une traînée de lumière derrière lui, il avait une aura incroyable. C'est très étonnant, ça. Hein. Voilà. Donc je l'ai rencontré très rapidement parce que je me suis dit comment je vais faire pour le rencontrer, et j'ai eu l'idée d'un réalisateur qui avait tourné avec lui. J'ai regardé dans l'annuaire, il y avait son téléphone. Donc j'ai laissé un message et j'ai dit voilà, je suis réalisatrice, je vais faire mon premier long métrage, je sais que vous avez tourné avec Guillaume, pourriez-vous lui transmettre mes coordonnées? Et il m'a rappelé et il m'a dit d'ailleurs c'est drôle parce que quand il m'a rappelé, il m'a dit attendez une seconde, et en fait sur le portable à côté c'est Guillaume qui l'appelait au même moment. Ça j'aimais bien, c'était déjà qu'on était en contact, hein. Et il a dit voilà, je vais transmettre votre téléphone à Guillaume. J'ai dit merci beaucoup. Guillaume m'a appelé 2 jours après. Et notre rencontre a été vraiment merveilleuse, miraculeuse. Oui, il y a des rencontres qui sont des miracles, qui donnent vraiment... qui vous font plus voir la vie pareil, quoi. C'est évident quand on a la chance de rencontrer... d'avoir un rapport privilégié, hein, oui. En fait... avec des personnes de cette dimension, ça fait du bien. Ça. Moi, c'est le fait aussi que ces personnes m'aient fait confiance, alors que pas d'argent, pas de production, enfin, toujours le bazar quand même un peu. Hein. Et jusque-là, maintenant, ça va changer, j'espère, parce que j'ai envie de travailler d'une manière un peu plus structurée, quoi, parce que c'est toujours des plans impossibles de faire des trucs, de chercher de l'argent là où on me dit que c'est pas possible et j'y vais. Il y a vraiment l'histoire avant de faire le film qui est très rocambolesque, hein. En même temps, il y a François Truffaut qui disait toujours préparer un film, c'est comme préparer un mauvais coup. Et c'est vrai qu'on était tous, on n'avait pas le droit de tourner. Alors il y en a qui surveillaient, puis on allait tourner. Et puis il y a une scène d'ailleurs, c'est la scène que je trouve la plus belle. Dans le film où on est sur une barque avec Guillaume, et j'avais repéré une maison très vieille qui flottait sur l'eau comme ça, et on devait brancher l'électricité sur une autre maison et les fils passaient dans les arbres, et après là on devait brancher, ils voulaient plus qu'on branche l'électricité, alors il y en a qui sont allés voir la dame, qui l'ont détournée pour lui parler, boire un café. Pendant ce temps-là on a branché les fils, on a tourné, on a dû tourner en très vite. On était toujours dans une urgence et ça nous donnait évidemment, ça nous faisait beaucoup rire parce qu'à chaque fois on se disait ça y est, on a réussi, mais à chaque fois c'était très épuisant. Mais c'est dans ces occasions-là qu'on donne souvent de son meilleur. Oui, c'est vrai, bien sûr, mais après, je pense que cette réjouissance, c'est toujours un défi, parce que là quand j'ai tourné avec Denis Lavant, qui est un très grand acteur, on s'est jamais gagné d'avance, est-ce que ça va bien se passer, et l'idée c'est toujours de faire naître quelque chose, donc de se réunir pour que quelque chose arrive. J'avais rencontré, c'est drôle, une dame qui est monteuse de cinéma et qui avait très bien connu Guillaume et Julie petits. Elle les connaissait depuis qu'ils étaient tout petits, en fait. Et elle m'avait dit, je me souviens au moment du film, elle m'avait dit vraiment que j'aurais pu être leur cousine ou leur sœur ou qu'il y avait quelque chose. Ce qui m'a évidemment beaucoup touchée parce que forcément, ça ne peut être que. Enfin, ça peut être qu'agréable de pas de sentir ça, quoi. C'est vrai que j'ai à un moment donné, je voyais beaucoup Guillaume, et après j'ai rencontré Julie, je les voyais beaucoup, beaucoup. J'espère que je vais bientôt revoir Julie là, parce qu'elle joue au théâtre, j'ai très envie de la revoir, mais c'est vrai que j'étais très très proche de Guillaume. Donc, son départ, ça a dû être Ouais, un truc très dur. terrible. Ouais, très dur. Toujours très dur de toute façon parce que je pense à lui tous les jours. Hein. C'est quelqu'un de. D'ailleurs, je suis pas la seule. Hein. On est beaucoup, je crois, à le regretter et à penser à lui. Hein. On est même d'ailleurs des gens qui l'ont jamais rencontré l'aiment et pensent à lui. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est difficile de plus le voir. C'est difficile. Ouais, tout un deuil à faire qui est difficile. Ouais. Mais bon, je pense à lui et. Je pense que voilà, je continue aussi à. Vous savez, les gens qui partent, je pense qu'ils vous accompagnent encore. Parce que des fois, je fais une bêtise et je l'entends qui rigole, par exemple. J'ai l'impression qu'il est. Vous voyez, c'est comme si, il se moquait de moi, s'il se moquait de moi aussi. Beaucoup. Enfin, c'était toujours plein de tendresse, mais. Il y a eu des moments où oui, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. Et je regrette qu'on ne se soit pas vu plus. J'ai des regrets de ne pas l'avoir vu plus, quoi. Voilà. Oui, vous l'avez rencontré tard, mais bon, c'était une rencontre intense. Parfois, c'est pas une question de temps, mais une question Non, je d'intensité, sais. de Puis présence. ouais, puis des fois, les métiers font qu'on se voit plus, font que il peut y avoir des malentendus qui fait qu'on se voit plus. Enfin, c'est. Mais bon. Toute façon, je pense qu'après. Quand quelqu'un est dans votre cœur, il y est, quoi, et que quoi qu'il se passe. Mais enfin bon, c'est quand même dur à accepter. Il était jeune, hein, 37 ans. Enfin, de toute façon, là, je n'enlève pas le chagrin. Hein. Quand on perd des gens de même qu'en 90 ans, on est triste. Hein. Bien sûr. Mais là, c'était comme un ange qui est parti. Je suis très heureuse qu'il m'ait fait confiance si spontanément, quoi. Mais vous savez, des fois, on est bête, on se rend pas assez compte. Enfin, bien sûr, je me rendais compte, j'étais très heureuse, mais c'est avec le temps qu'on se rend compte parfois à quel point la rencontre était encore plus magique et plus incroyable qu'elle ne l'était, même si on le sent et qu'on le sait. Et voilà, c'est souvent comme ça. D'être à la hauteur de l'instant, quoi. C'est Oui, peut-être d'être à la une des hauteur. difficultés de la vie, d'être vraiment complètement là où on est, à Oui, l'instant présent. voilà, et je pense que du coup, après, c'est vrai que son départ m'a fait beaucoup prendre conscience de ça, justement. Et justement, quand j'ai travaillé avec Denis, bon, je pensais à lui parce que Guillaume avait fait aussi un film avec Léo Scarrax qui s'appelle Pola X. Et je me suis dit, maintenant, savoure tout très fort, à fond. Quand Iggy est arrivé, parce que jusqu'au dernier moment, j'y croyais pas, de toute façon. Et quand je l'ai arrivé, je me suis dit, reçois, apprends à recevoir pleinement déjà ce que tu as désiré, ce que tu as provoqué, et ce cadeau. Ouvre-toi de jouir pleinement enfin, de ça. Voilà, j'ai appris ça, à recevoir. Oui, parce que à ce moment-là, tu t'es complètement mis dans ce que tu ressentais, tu vois, à ce Ouais, moment-là, ça tombe. Hein. Oui. c'est Avoir, vrai, mais ouais. ça, c'est avoir le courage d'aller jusque-là, pas d'essayer de fuir Ouais. ce qui est désagréable, mais de se mettre en plein dedans. Et à ce moment-là, Oui, parce ça peut que si tomber. j'avais fait semblant que j'ai pas le trac, il l'aurait senti. Bien Après, ça sûr. crée des tensions. Puis bon, le fait que j'avoue que j'ai le trac et que j'avais peur, ça m'a donné une force avec eux, en fait. Après, ils m'ont beaucoup respectée. Et sans doute déjà pour ça que tu et eu le courage de... Comme quoi c'est important de dire les choses. Hein. Oui. Ouais. Après, c'était parti. Bon, après, il y avait Guillaume qui devait venir, mais on ne le trouvait plus. Il était impossible à joindre, 2 jours avant le tournage. 2 jours avant sa première journée de tournage. Mais je te dis, c'était un ange, Guillaume. Donc, il apparaissait, il disparaissait. Et tout le monde me disait, mais tu sais, d'accord, il t'a promis qu'il allait venir. Bon, il était sûrement sincère, mais là, tu vois, tu n'arrives plus à le joindre. Il faut que tu le remplaces. J'ai dit non. J'ai dit, Guillaume ne se remplace pas. Il va venir. Et j'étais là, le soir, dans ma chambre. Mon Dieu, où est-ce qu'il est, tout ça. Et j'ai laissé des messages à droite, à gauche. Et à sa mère, d'ailleurs. J'avais le portable de sa mère, Elisabeth. Et elle m'a dit, Elisabeth, après, qu'elle... Je me souviens très bien, tu sais, je me suis mise dans une pièce, un peu dans la pénombre, dans l'hôtel. Et j'ai laissé ce message à Elisabeth, donc la mère de Guillaume. Et elle m'a dit, quand j'ai entendu ta voix... Je sentais que c'était bon pour Guillaume d'aller sur ce tournage. Donc elle l'a reprévenu, si tu veux. Mm-hmm. Tu vois, c'était beau. Mm-hmm. Mais tu vois, ça s'est fait quand même toujours sur le fil du rasoir, quoi. Et quand Guillaume est arrivé, bon, si tu veux, au début, c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement sauvage et c'est beau. Très rebelle. Comme un enfant, enfin, tu sais, comme les adolescents qui sont pleins de vérité et qu'il faut apprivoiser. Mais ça s'est fait assez rapidement. Et puis, de toute façon, moi, j'aime bien les rebelles. Hein. Ben, surtout quand ils ont cette poésie et cet amour au fond d'eux, quoi. Ouais. C'était quand même vraiment miraculeux hein, que Guillaume soit là. Parce que c'est vrai, c'est vraiment un grand, grand acteur. Et si tu veux, il faisait grandir le film, forcément. Et moi qui jouais avec lui, je lui disais d'ailleurs, ça je lui ai dit, heureusement que je lui ai dit, je lui disais, tu me fais grandir, tu me rends meilleur. Il était tellement haut, si tu veux, que tu sais, c'est, tu dois te hisser au meilleur de toi quand tu es face à quelqu'un de comme ça. Ou ça se fait tout seul à ce moment-là. Oui, ça se fait entre cette dimension. Oui, ça se fait tout seul. J'adorais tourner, j'adorais jouer avec lui. Tu verras le moment sur la barque, il est très très beau. Mais entre les prises, il faisait le con, parce qu'il montait sur la barque, il faisait ça. On a tourné au mois de décembre. Hein. Et donc il faisait comme ça, tu vois, pour faire tourner. Il aimait le danger. Oui, il aimait le danger, puis il aimait déconner aussi. Ouais. Il montait comme ça, il disait, bon, on va... Il faisait 0 degré. Hein. Il faisait très très froid hein, sur la barque. Ouais. Mais non, mais c'était pour rigoler, quoi. Mais je lui disais, arrête, fais pas le con et tout. Mais il faisait pour rigoler. Ouais.